les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Embarquement immédiat pour un voyage musical dans cette émission consacrée à plusieurs figures de mélodies, de musique inspirées par les ruines. Dans des registres très différents, de l'électro à la pop, avec une interview de Martin Gore, fondateur de Dépêche Mode, autour d'un album de reprise, une forme parmi d'autres de ces ruines musicales. Ce petit exercice comparatiste n'oublie pas la musique contemporaine, c'est un extrait de Persepolis par Yanis Xanakis qui ouvre cette émission, électrophonie par Bastien Gallet. On écoute Persepolis de Yanis Xenakis, on aimerait l'entendre jusqu'à la fin, 25 minutes plus tard, on est au milieu de l'œuvre à peu près, donc à 25 minutes du début, elle fait 50 minutes. Persepolis a été créé à Shiraz en Iran le 26 août 1971 pour le 2500e anniversaire de la destruction de la capitale de l'Empire perse. 100 haut-parleurs étaient dispersés dans les ruines de Persepolis et la musique était accompagnée, comme souvent avec Xenakis, de feux d'artifice et de projections de lumière, on pense... à tout cet extraordinaire, ces polytopes qu'il a réalisé à Montréal et à Cluny, et qui sont dans ce CD. Alors la version que vous entendez a été mixée par Daniel Teige dans le studio de l'Université Technique de Berlin en janvier dernier. Donc elle a été éditée par les éditions RZ avec d'autres œuvres de Xenakis, comme je le disais, sur un double CD. Donc il y a le polytope de Montréal, le polytope de Cluny, il y a Terre et Tector, enfin des choses assez merveilleuses. C'est un très beau disque. Alors il existe des remixes de Persepolis, parus chez Asphodel, un label de San Francisco, des remixes par Otomo Yoshihide, dont on parlait, Ryoji Ikeda, Zbigniew Karkowski, Francisco Lopez et Merzbo, qui tous apprécient beaucoup cette pièce, et notamment le bruit. La sensation de vertige qu'elle procure avec ses 8 pistes, mixées sur 8 pistes en 111, c'était quelque chose. Alors, c'est de ruines que nous allons parler aujourd'hui, toutes sortes de ruines. Les ruines de Persepolis sont bien réelles à Shiraz. La musique de Xenakis n'est pas cependant une musique des ruines. Elle a été conçue un peu pour ressusciter l'esprit de la grande civilisation perse et de Darius le Grand, à la manière un peu d'une tablette cunéiforme, comme il l'écrit lui-même, qui ne délivrerait ses secrets qu'à ceux qui sont capables de les lire. Les ruines que je veux aujourd'hui vous faire entendre maintenant sont plutôt enchantées. Encantadas, c'est le titre d'un disque du duo Alejandra Aeron, qu'on a déjà beaucoup évoqué, mais je veux une dernière fois le faire, parce que les disques dont nous allons parler sont vraiment extraordinaires. Alejandra Salinas et Aeron Bergman, elle est originaire de la Rioja, une région agraire du nord de l'Espagne, lui vient de Détroit, aux États-Unis. Ils se sont rencontrés à New York, ils ont fondé en 97 le label Lucky Kitchen, puis ils sont partis vivre à Logroño, dans le Rioja, donc en Espagne. Ils ont parcouru toute la région, assez ancienne, assez agraire, avec un mini-disque enregistrant des témoignages encore vivants du folklore local, toutes sortes de témoignages, et ils en ont fait un premier disque intitulé La Rioja, avec le matériau utilisé pour ce disque, La Rioja, et ils en ont fait un deuxième, Ruinas Encantadas, précisément. Alors à quoi ressemblent ces ruines enchantées, à quoi ressemblent des ruines musicales? Écoutons. extrait de Ruinas Encantadas d'Alejandra Herrón. Là, il s'agit d'un enregistrement, une captation de vent dans les montagnes enneigées au nord de Madrid. Et avec ce vent, ils ont fait beaucoup de choses. Ils l'ont filtré, ils l'ont passé, ils ont révélé ses harmoniques. Et on y trouve un peu du folklore, du folklore de la Rioja, mais hanté ou fantomatique en quelque sorte. Et tout le disque est comme ça. Il n'y a que des bribes de ce folklore qu'on retrouve de ci, de là, très très filtré. Alors ils ont fait plusieurs disques depuis cela, dont un vient de paraître sur le label de San Francisco, Ortlorg Musorg. Ce disque s'intitule Busha Blue Blazes. Il a été construit à partir d'enregistrements réalisés en 2001, dans le palais donc qu'ils habitaient à Logroño, à La Rioja. Il raconte en fait ce disque l'histoire d'une visite, d'une visitation presque, celle de la grand-mère d'Aaron Bergman. Elle s'appelle Hélène Ruth Pop, mais ses petits-enfants l'appellent Busha. Elle a été chanteuse toute sa vie, choriste à Détroit dans de nombreux chœurs, et puis elle aurait interprété, est-ce une légende, un des rôles-titres de La Bohème de Puccini quand elle était plus jeune, au conservatoire de Détroit. Alors dans ce disque, il faut deviner ce qu'on entend un peu, des bruits domestiques, on écoute ça derrière ma voix. Des bribes de conversation, la voix de Busha, une guitare, un piano, tout est fragmentaire, évanescent, lointain. Et puis, vers la fin du disque, à la plage 10, la voix d'Hélène, la voix de cette cantatrice, de cette choriste, se lève enfin, et je dois dire que c'est assez merveilleux. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. La voix de Busha, d'Hélène Ruth Pop. la grand-mère d'Aaron Bergman. Alors que peut-on ajouter à cette chanson? Rien, on ne peut rien ajouter à cette chanson, c'est presque un miracle. Mais le disque, malgré tout, comprend encore deux plages en forme d'adieu. L'avant-dernière est très étonnante, hein, la plage 11, celle qui suit. On y entend quelques notes au piano, une inspiration de cette chanteuse, Boucha, et puis tout se suspend, ne s'arrête pas en fait, mais se poursuit en souffle et en harmonique, hein, à l'habitude des disques du duo, comme une ombre de la voix ou son fantôme, un peu une trace sonore, conservée dans les murs du palais de Logroño et qu'un micro eut par hasard capté. Il est difficile de quitter le palais de Logroño dans la région de La Rioja et de quitter ce magnifique disque d'Alejandra Ayron, Boucha Blue Blazes, hein, un disque sorti sur le label Ortlang Musorg il y a très peu de temps. Mais il faut bien continuer cette émission et pour passer maintenant à autre chose, pour passer au disque de reprise de Martin Gore, le parolier et compositeur de Depeche Mode, qui construit lui aussi des ruines dans son coin, eh bien nous allons faire un détour par un disque, un morceau de Carl Biscuit qui a voilà un peu révolutionné l'électro dans les années 80. C'était sur le label Kramed, Carl Biscuit. Vivendo in sé, nella storia fu consciente di una divisione. E la sempre nuova luce non vale mai sfiorire. Carl Biscuit, pardon. Alors, je vais vous lire un peu ce qu'a dit un chroniqueur anglais en 85 à l'écoute de la musique de Carl Biscuit. Voilà ce qu'il écrit, je traduis. Donc, quelque chose, un morceau, une musique pour ouvrir les yeux à ceux qui pensent que la contribution française à la culture populaire se limite à Michel Platini et aux voitures Citroën BX. Voilà, donc, Carl Biscuit a eu beaucoup de succès en Angleterre à l'époque et puis il a arrêté de faire de la musique. Et il s'est lancé dans la danse. Il a fondé la compagnie Castafiore avec la danseuse et chorégraphe brésilienne Marcella Bracias. Marcia Barcelos, excusez-moi. Ils étaient d'ailleurs tous les deux avec le ballet de Lorraine au théâtre du Jeu de Paume d'Aix-en-Provence le 13 mars dernier pour un spectacle intitulé LFO, Low Frequencies Oscillator, comme quoi hein, on ne se refait pas. Alors, Karl Biscuit, parce que nous allons parler de Dépêche Mode, Emmanuel Giraud. Vous avez rencontré Martin Gore, donc le parolier-compositeur, qui se lance depuis quelques mois dans une vaste entreprise de reprise musicale. Ça s'appelle Counterfeit. Oui, effectivement, Counterfeit 2, puisque il y a déjà de nombreuses années, en 1989, Martin Gore, s'échappant pour quelques instants de Dépêche Mode, avait déjà, en 1989, réalisé un album de reprise. Il s'appelait Counterfeit 1, tout simplement. C'était un espèce de maxi, un EP, comme on dit, qui contenait 6 titres, assez sombre, assez obscur. On ne savait pas vraiment d'où venaient les chansons. Il y avait une reprise d'un gospel traditionnel, Motherless Child, et puis 5 autres titres assez étonnants. Et ce titre, cet album est passé un peu inaperçu dans la discographie du célèbre parolier de Dépêche Mode, jusqu'à cette année où, pris d'une subite passion pour les ruines, justement, pour ces morceaux un peu inconnus que l'on ressort comme ça, que l'on déterre et que l'on se réapproprie, eh bien Martin Gore s'est relancé dans l'aventure. Il a refait un nouveau disque en solo, alors que son comparse Dave Gahan, le chanteur de Dépêche Mode, lui aussi s'est lancé dans l'album solo. Eh bien Martin Gore se relance dans la reprise Counterfeit 2. Alors nous l'avons rencontré avec Aurélie Sfez lundi dernier, juste avant son concert à la Cigale, et nous lui avons demandé pourquoi faire des reprises. I like the idea of making cover version records. J'aime beaucoup l'idée de faire un disque entièrement de reprises. When I was a kid, I used to buy Quand j'étais enfant, j'ai acheté l'album de reprise de Brian Ferry et j'ai découvert plein de musiques différentes. J'ai trouvé que c'était un procédé très intéressant, un exercice amusant. And also, secondly, while I'm part of Depeche Mode, et en même temps, comme je fais partie de Dépêche Mode, je ne pense pas que ce soit très honnête de garder toutes mes chansons pour mon projet solo. En plus, je ne suis pas un songwriter très prolifique. Le fait de faire des reprises, est-ce que c'est vraiment un exercice de style ou bien c'est un genre en soi? C'est un petit peu les deux. C'est un but en soi de faire un album de reprise. En fait, je pensais que l'enregistrement de cet album allait être un exercice assez rapide une fois les chansons choisies. Et en fait, pas du tout. Parce que j'avais beaucoup de respect pour ces chansons. Je ne voulais pas des copies conformes. Et il fallait décider ce qui était important dans les chansons, ce qu'il fallait garder dans ma reprise. Et ça peut changer d'une chanson à l'autre. Des fois, ce sont les accords, d'autres, c'est un air dans la mélodie. C'est un terrain d'expérimentation. Qu'est-ce que vous pensez de la reprise qu'a faite Johnny Cash de Personal Jesus? Déjà, c'est un grand honneur que Johnny Cash fasse une reprise d'une de mes chansons. And I like it. Je l'aime beaucoup. Great to hear Johnny Cash singing something. C'est tellement impressionnant d'entendre Johnny Cash chanter quelque chose que j'ai écrit. Il a une voix tellement fantastique. You're on. Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Quel est le lien que vous pouvez faire entre le blues et la musique électronique? Pour ma part, je ne sais pas vraiment, mais j'écris souvent en 6/8 en temps ternaire. C'est un rythme de blues, je ne peux pas l'expliquer. C'est quelque chose que je fais naturellement. Et toutes les chansons que j'ai faites depuis toutes ces années pour Depeche Mode, elles ont une structure de blues. Je ne sais pas, ça doit être dans mon sang. Aujourd'hui, il y a un peu plus de gens qui font ce genre de choses. Une sorte d'électronique blues. Mais l'électronique est un mot tellement galvaudé. Je ne pourrais pas dire que le groupe Erasure fasse du blues. Mais d'une certaine façon, ils font un peu de l'électronique blues. C'est juste la façon dont vous utilisez l'instrument. Je suis sûr que si je n'avais pas été dans un groupe de musique électronique, j'aurais quand même écrit des chansons comme Clean ou Sweetest Perfection. J'aurais pu les faire à la guitare. On accorde parfois trop d'importance à l'instrumentation. Il n'y a pas de formule toute faite pour faire de l'électro-blues. Vous avez parlé du blues qui était dans votre sang, peut-être. Est-ce que vous avez été baigné dans une culture musicale qui vous a influencé? I always listened to a lot of blues music. J'ai toujours écouté beaucoup de blues throughout my life, dans toute ma vie. I love gospel music. Et j'aime beaucoup le gospel également. I used to bore my friends à tel point que j'ennuyais énormément mes amis en jouant du gospel. Personne n'aimait ça et personne ne me comprenait. Mais moi, j'ai toujours adoré le gospel. Dans l'album qui sort, Counterface 2, la plupart des chansons que vous reprenez sont des chansons quand même assez populaires, que tout le monde a plus ou moins entendues quelque part. Pourquoi le choix d'avoir choisi majoritairement des chansons populaires? I think some of the songs on Counterfeit 2... Je pense que certaines chansons sur le dernier album sont un peu plus connues que celles que j'avais reprises sur le premier album. Même parmi les chanteurs les plus populaires, j'ai choisi les titres les moins connus. Je n'aurais jamais pu faire une reprise de Imagine, par exemple, parce que les gens ont déjà trop entendu cette chanson, ils ont déjà entendu tellement de versions différentes. Je crois sincèrement que les chansons que j'ai choisies sont assez obscures. J'ai toujours apprécié les accords utilisés par Kurt Weill. Sa façon de travailler la mélodie et l'harmonie est très spéciale. Personne n'avait fait ça avant. Il y a quelques artistes parmi ceux que je reprends dont on peut dire qu'ils sont un peu mes héros. John Lennon, Lou Reed, Iggy Pop, Kurt Weill également. alors que d'autres ne sont pas vraiment des influences majeures. Ce sont juste des gens qui ont écrit des chansons que j'aime bien. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de vous approprier n'importe quel morceau ou n'importe quel style de musique? Est-ce que vous pourriez faire une reprise d'un rap ou de musique contemporaine? Je ne pense pas que je sois capable de faire des reprises de tout et n'importe quoi. Il y a des jours où je me trouve limité par ma voix. Mais j'étais assez surpris, j'ai fait une reprise d'un morceau rap, Loverman de Nick Cave. Pour moi, c'est quasiment du rap. Et ça m'a fait beaucoup rire que ça marche. Vous écrivez des chansons, vous composez, vous jouez de la musique, et vous avez aussi une voix qui est magnifique. Est-ce que vous n'avez jamais été tenté par des versions complètement a cappella? En partie, oui. Des fois, j'ai pensé à faire ça. Mais d'un autre côté, j'aime tellement la manière dont la musique, le chant et les mots fonctionnent ensemble. Il se passe quelque chose de vraiment spécial quand vous entendez des mots qui viennent coiffer une musique, quand la mélodie enrobe tout ça et que ça fonctionne ensemble. Utiliser d'autres instruments, pour moi, c'est plus facile pour créer de l'émotion. Quand j'étais plus jeune et que je voyais Depeche Mode à la télé et que je vous voyais, vous, avec votre look un peu trash, un peu... Moi vous me faisiez peur. J'étais très intimidée. Aujourd'hui, vous êtes habillée tout à fait classique. Well, it's, you know, 20 years have passed. And, vous savez, 20 ans ont passé, ma vie a changé. J'ai 3 enfants maintenant. C'est pas forcément facile d'expliquer à vos enfants pourquoi vous vous habillez de telle façon. Ils seraient un peu embarrassés si je venais les chercher à l'école dans les tenues que je portais dans les années 80. À part ça, sur scène, j'ai toujours aimé porter des vêtements bizarres. Et c'est la première fois que j'ai décidé de monter sur scène quasiment normalement. Juste un peu de maquillage. Mais je ne veux pas monter sur scène habillé de façon excentrique. Ça ne collerait pas à l'esprit du projet. Il y a tant de choses qui ont changé. Depuis les années 80, la technologie, par exemple, a radicalement changé. Pour faire un disque, il y a tellement d'options disponibles, il y a presque trop de possibilités. Et puis le style, la musique électronique est devenue très populaire. À l'époque, il y a 20 ans, le mot électronique était un gros mot. Quand on disait qu'on faisait partie d'un groupe de musique électronique, on était tout de suite discrédité. On a eu tellement de critiques de gens qui nous disaient que ce n'était pas de la vraie musique. À partir de 1985, on a commencé à nous prendre un peu plus au sérieux, et aujourd'hui, c'est une forme de musique totalement acceptée par la société. Aujourd'hui, que ce soit fait avec de la guitare ou de l'électronique, on est considéré comme de la vraie musique. There's a devil waiting outside your door. There's a devil waiting outside your door. And he's a bucking and praying and pawing at the floor. And he's a howling with pain and crawling up the walls. Oh yeah. There's a devil waiting outside your door. And he's a weak with evil and broken by the world. He's shouting your name and he's asking for more. Give him more, give him more. There's a devil waiting outside your door. Loverman de Nick Cave, repris ici par Martin Gore. Martin Gore aux intonations un peu traînantes, un peu presque à la Jean d'Ormesson. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que dans sa technique de reprise, on l'a vu presque mise en abîme par Johnny Cash, qui lui-même reprend du Depeche Mode, alors que Martin Gore est un fan des reprises. Un peu, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, comment s'est passé le concert de Martin Gore à la Cigale? Il n'a pas pu faire un concert entier sans reprendre au moins quelques morceaux de Depeche Mode? Oui, effectivement, parce que la Cigale était complètement remplie de fans de Depeche Mode. Et pour vendre en quelque sorte son album de reprise, il a dû faire quelques concessions. Et entre deux morceaux du dernier disque, il a fait bien les grands tubes de Depeche Mode, repris dans des versions assez minimalistes, assez sobres, très belles, très intimes. Il y avait parfois juste un piano et sa voix. Et ça déclenchait des sommets d'hystérie. C'était assez étonnant de voir le décalage entre la douceur de la voix et les cris dans la salle. Merci Manuel Giraud. Alors je voudrais continuer maintenant par d'autres ruines après celle très dépressive de Martin Gore. J'ai trouvé celle-ci, celle dont on va parler maintenant, dans le dernier album du duo anglais Autechre. Rob Brown et Sean Booth chez Warp, hein, depuis toujours. Tous les morceaux d'Autechre sont animés d'une secrète et profonde entropie. Hein. Ce que Rob Brown et Sean Booth donnent à entendre, c'est à peu près toujours cette sourde et plus ou moins rapide destruction d'une forme musicale. Hein. Ils construisent plus ou moins des ruines, ces deux musiciens. Alors, dans un morceau de Draft 7.30, hein, le titre de leur dernier album, on entend dès le début ces ruines, comme si le morceau devait émerger de ruines préalables. De ses propres ruines finalement. Alors le morceau a un titre très étrange, qui n'est pas sans faire référence d'ailleurs à des sigles romains, 4, VV4, VV8, voilà, on écoute ce morceau. Ce morceau émerge à peine de ses nappes de synthétiseur, hein, et il va y replonger bientôt, donc là le rythme est particulièrement instable. Bon, c'est toujours le cas chez Autechre, mais là il est presque traînant. Alors, il y a un morceau qui fait écho à celui-là, il s'intitule VLAL5, encore un titre un peu énigmatique, et cette fois-ci c'est la fin de ce morceau qui va nous intéresser, hein. On va le voir un peu, on va l'écouter un peu sombrer. Il y a des sons de ce morceau d'Autechre qui font penser au ANS, le synthétiseur de Evgeny Murzin, grand ingénieur russe qui a inventé son propre synthétiseur dans les années 60, sur lequel beaucoup de compositeurs ont œuvré, et pas des moindres. Le printemps de Bourges s'est achevé le 27 avril dernier. Vous y étiez, Tanguy Bizien, bonjour à vous. Bonjour, oui, j'y étais. Alors, il y a eu beaucoup de choses intéressantes dans ce festival, notamment des vis-à-vis, des combats, des luttes de labels dans la cour du palais Jacques Coeur. Il y a eu Liv contre FCOM, Goom contre Vuelex, Fat Cat contre Active Suspension. Vous avez assisté à ces concerts ? Oui, j'ai assisté à tous les concerts. Alors en fait, c'était tous les patrons de labels qui venaient en fait mixer au départ. Et ensuite, il y avait un live qui était proposé. C'était pas dans la cour, c'était à l'intérieur du Palais Jacques Coeur. Dont le live de Manitoba. De Leaf, hein, le label anglais. Le label anglais Leaf. Alors c'était un peu une formule à double tranchant parce que c'était un audio brunch. Donc à 13h ça commence à jouer avec les gens qui arrivent. Donc la salle est assez petite comme ça, avec des tables installées avec des nappes blanches. Donc ça fait un peu ambiance mariage. Et c'est assez détonnant en fait le rapport à la musique parce que la salle est très proche. Et surtout Manitoba, c'était assez dérangeant pour les gens, j'ai eu l'impression, parce qu'ils arrivent masqués, habillés en ours. Et ils se mettent à jouer, voilà. Donc ils jouent de la batterie très très très, très fort. Et il y a deux batteurs dans ce groupe. Alors, Manitoba qui est un laptopiste de première, donc qui fait la musique électronique dans son coin, d'abord à Toronto et puis maintenant à Londres. Là, a développé une formule de concert avec beaucoup d'instruments, voilà, ce qui est une nouvelle tendance chez les musiciens électroniques. Oui, c'est vraiment une nouvelle tendance qui arrive. Manitoba en fait partie. Alors il y a effectivement deux batteries, et donc une guitare, et lui, Dan Snaith. Se balade en fait d'instrument en instrument et joue aussi bien de l'ordinateur, glockenspiel, le batterie, etc. Alors on va écouter l'entretien que vous avez réalisé avec le grand Manitoba, une exclusivité France Culture, c'était au printemps de Bourges, on écoute. Je ne suis pas du tout un songwriter. J'utilise vraiment des boucles plutôt que d'écrire une chanson et la mettre en musique. J'écris tout en termes de boucles, avec des fragments de voix. J'utilise la voix comme un autre instrument, plutôt que comme le principal élément de la chanson. D'autant plus que la plupart du temps, on n'entend pas ce que je dis, avec toute la réverbération que je mets sur ma voix. J'ai fait cet album comme le précédent, qui était plus électronique, comme les gens qui font du hip-hop ou de la musique électronique, mais avec des influences pop, mais pas comme un songwriter. Je travaille sur un morceau des heures et des heures durant, et je mets les choses en boucle encore et encore. Je rentre 100 mélodies dans la machine, et j'en enlève 99. Je n'ai pas de plan de travail. Je fais ça entièrement à l'oreille, au feeling. J'ai fait l'album sans me soucier de ce que seraient les concerts. Je n'y pensais pas du tout. Mais maintenant, ça prend sens. Avant, ces dernières années, je faisais davantage de choses en DJ, en laptop. Mais avec cet album, il est pertinent de jouer live. Je n'aime pas assister à un concert où vous regardez quelqu'un derrière son ordinateur. Les gens ne dansent pas et regarder quelqu'un jouer sur son ordinateur, ça n'est pas très intéressant. Donc j'essaie d'aller vers un vrai show live où plus de choses se passent. Je pense que dans la musique électronique, plus spécialement, les gens sont paresseux sur la production des batteries, des boîtes à rythme. Moi, j'ai toujours aimé les sons lourds de batterie, la production de David Axelrod, par exemple, ou les sons de batterie funk et soul. Même le rock des années 60-70. J'aime le son de ces batteries. des gens comme DJ Shadow ont beaucoup repris de ces productions marginales. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font attention de faire sonner la batterie de manière vraiment lourde. C'était un des éléments essentiels de l'album. Il y a deux batteries dans le groupe et ça sonne vraiment fort. Les influences pour cet album vont de la pop des années 60-70 jusqu'aux productions des années 90. Des choses comme My Bloody Valentine, même le free jazz des années 60-70. Ces dernières années, la musique électronique a vraiment stagné, répétant les mêmes choses à l'infini. C'est pour ça que je me suis allé chercher dans la production des années 60-70. Car les gens faisaient des choses vraiment étranges et les produisaient très bizarrement, ce qui donnait des choses psychédéliques et totalement barrées. C'était Électrophonie, une émission de Bastien Gallet, réalisée par Laurent Rousseau, avec des entretiens de Martine Gore et Daniel Sneis, réalisés par Emmanuel Giraud et Tanguy Bizien. Première diffusion sur France Culture le 3 mai 2003. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne et les télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.